20. Les dons des fées. C'était grande assemblée des fées, pour procéder à la répartition des dons parmi tous les nouveau-nés arrivés à la vie depuis 24 heures. Toutes ces antiques et capricieuses sœurs du destin, toutes ces mères bizarres de la joie et de la douleur, étaient fort diverses. Les unes avaient l'air sombre et résigné, les autres un air folâtre et malin. Les unes, jeunes, qui avaient toujours été jeunes, les autres, vieilles, qui avait toujours été vieille. Tous les pères qui ont foi dans les fées étaient venus, chacun apportant son nouveau-né dans ses bras. Les dons, les facultés, les bons hasards, les circonstances invincibles étaient accumulés à côté du tribunal comme les prix sur l'estrade dans une distribution de prix. Ce qu'il y avait de particulier, c'est que les dons n'étaient pas la récompense d'un effort, mais tout au contraire une grâce accordée à celui qui n'avait pas encore vécu. Une grâce pouvant déterminer sa destinée et devenir aussi bien la source de son malheur que de son bonheur. Les pauvres fées étaient très affairées, car la foule des solliciteurs était grande, et le monde intermédiaire, placé entre l'homme et Dieu, est soumis comme nous à la terrible loi du temps et de son infinie postérité, les jours, les heures, les minutes, les secondes. En vérité, elles étaient aussi ahuries que des ministres un jour d'audience, ou des employés du Mont-Piété quand une fête nationale autorise les dégagements gratuits. Je crois même qu'elles regardaient de temps à autre l'aiguille de l'horloge avec autant d'impatience que des juges humains qui, siégeant depuis le matin, ne peuvent s'empêcher de rêver au dîner, à la famille et à leurs chères pantoufles. Si, dans la justice surnaturelle, il y a un peu de précipitation et de hasard, ne nous étonnons pas qu'il en soit de même quelquefois dans la justice humaine. Nous serions nous-mêmes, en ce cas, des juges injustes.